Lettre 5. Sur le goût de Rousseau pour la musique et la botanique. Rousseau a écrit plusieurs ouvrages sur la musique. Il aima toute sa vie cet art avec passion. Le « devin du village » annonce même du talent pour la composition. Il voulait faire adopter en France les mélodrames. Il donna Pygmalion pour exemple. Peut-être ce genre ne devrait-il pas être rejeté. Quand les paroles succèdent à la musique, et la musique aux paroles, l'effet des unes et de l'autre est plus grand. Elles se servent quelquefois mieux quand elles ne sont pas forcées d'aller ensemble. La musique exprime les situations, et les paroles les développent. La musique pourrait se charger de peindre les mouvements au-dessus des paroles, et les paroles des sentiments trop nuancés pour la musique. Mais quelle éloquence dans le monologue de Pygmalion ! Comme l'on trouve vraisemblable que la statue s'anime à sa voix ! Comme l'on serait tenté de croire que les dieux ne sont pour rien dans ce miracle ! Rousseau a fait pour plusieurs romances des airs simples et sensibles, de ces airs qui s'allient si bien avec la situation de l'âme, et que l'on peut chanter encore quand on est malheureux. Il en est quelques-uns qui me semblaient nationaux. Je me croyais, en les entendant, transporté sur le sommet de nos montagnes. Lorsque le son de la flûte du berger se prolonge lentement au loin, par les échos qui successivement le répètent, il me rappelait cette musique plutôt calme que sombre, qui se prête au sentiment de celui qui l'écoute, et devient pour lui l'expression de ce qu'il éprouve. Quel est l'homme sensible que la musique n'a jamais ému ? L'infortuné, lorsqu'il peut l'écouter, obtient par elle la douceur de répandre des larmes, et la mélancolie succède à son désespoir. Pendant qu'on l'entend, ses sensations suffisent à l'esprit comme au cœur, et n'y laissent pas de vide. Il est des airs qui mettent un moment dans l'extase. Les ravissements au ciel sont toujours précédés du cœur des anges. Que la musique retrace puissamment les souvenirs, comme elle en devient inséparable. Quel homme, au milieu des passions de la vie, pourrait entendre sans émotion l'air qui, dans sa paisible enfance, animait ses danses et ses jeux ? Quelle femme, lorsque le temps a flétri sa beauté, peut écouter sans verser des larmes la romance que son amant chantait jadis pour elle ? L'air de cette romance, plus encore que ses paroles, renouvelle dans son cœur les mouvements de sa jeunesse. L'aspect des lieux, des objets qui nous entouraient, aucune circonstance accessoire ne se lie aux événements de la vie comme la musique. Les souvenirs qui nous viennent par elle ne sont point accompagnés de regrets. Elle rend un moment les plaisirs qu'elle retrace. C'est plutôt ressentir que se rappeler. Rousseau n'aimait que les airs mélancoliques. À la campagne, c'est ce genre de musique que l'on souhaite. La nature entière semble accompagner les sons plaintifs d'une voix touchante. Il faut avoir une âme douce et pure pour sentir ses jouissances. Un homme agité par le souvenir de ses fautes ne pourrait supporter la rêverie dans laquelle une musique sensible nous plonge. Un homme tourmenté par des remords déchirants craindrait de se rapprocher ainsi de lui-même, de ranimer tous ses sentiments, de les éprouver tous lentement et successivement. Je suis porté à me confier à celui que la musique, les fleurs et la campagne ravissent. Ah, le penchant au vice naît sans doute dans le cœur de l'homme, car toutes les sensations qu'il reçoit par les objets qui l'environnent l'en éloignent. Je ne sais, mais souvent à la fin d'un beau jour, dans des retraites champêtres, à l'aspect d'un ciel étoilé, il me semblait que le spectacle de la nature parlait à l'âme de vertu, d'espérance et de bonté. Rousseau s'est longtemps occupé de la botanique. C'est une manière de s'intéresser en détail à la campagne. Il avait adopté un système qui prouve encore peut-être combien il trouvait que le souvenir même des hommes gâtait le plaisir que la contemplation de la nature fait éprouver. Il distinguait les plantes par leur forme et jamais par leurs propriétés. Il lui semblait que c'était les dégrader de ne les considérer que sous le rapport de l'utilité dont elles peuvent être aux hommes. il ne me paraît pas, je l'avoue, que cette opinion doive être adoptée. Ce n'est pas avilir les ouvrages du Créateur que de les croire destinés à une cause finale. Et le monde paraît plus imposant et plus majestueux à celui qui n'y voit qu'une seule pensée. Mais l'imagination poétique et sauvage de Rousseau ne pouvait supporter de lier à l'image d'un arbuste ou d'une fleur, ornement de la nature, le souvenir des maux et des infirmités des hommes. Avec quel charme il peint, dans ses confessions, ses transports en revoyant la pervenche, comme elle lui retraçait tout ce qu'il avait éprouvé jadis. Elle produisait sur lui l'effet de cet air que l'on défend de jouer aux Suisses, hors de leur pays, dans la crainte qu'ils ne désertent. Cette pervenche pouvait lui inspirer la passion de retourner dans le pays de Vaud. Une seule circonstance semblable lui rendait présents tous ses souvenirs. Sa maîtresse, sa patrie, sa jeunesse, ses amours, il retrouvait tout, il ressentait tout à la fois.